lascia le cose di essere con te. Mi perdo un peu les pétards classés de côté. Ils savent plus très bien où ils en sont. Ça ne veut pas dire qu'ils s'écroulent, au contraire, c'est des gens qui s'écroulent pas.